إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 81 dans la lecture du livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et c'est un livre écrit par Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim. Donc, comme je dis, on est rendu au cours 81 et la page 595 du volume 2. On est toujours en train de parler de la question de prendre les tombeaux comme lieu de prière ou lieu d'adoration. Et on a parlé de ça dans les derniers cours, donc on continue sur ça et on rajoute aujourd'hui quelques clarifications et des détails sur le sujet avec des hadiths qui viennent rajouter des éléments supplémentaires. Donc le cheikh, il explique, il dit, cheikh al-Islam, il dit ensuite « ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور » واتخاذ القبور مساجد بلا بناء وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار إذ غرض القاعدة الكلية Naam. Donc le cheikh il explique que on sait que beaucoup dans cette umma ont été éprouvés par le fait de bâtir des tombeaux sur les de construire des mosquées sur les tombeaux et de prendre les tombeaux comme des lieux de prière et des lieux d'adoration sans construction. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont construit des mosquées sur les tombeaux et il y en a qui ont pris des endroits où il y a des tombes comme des lieux de prière, même s'il n'y a pas de mosquée construite, mais ils prennent l'endroit comme une mosquée. Ils vont là-bas pour prier. Hein? Et les deux sont haram. Les deux sont haram. Donc, le fait de prendre une tombe comme un lieu de prière ou un lieu d'adoration, c'est pas nécessaire que tu construises nécessairement quatre murs avec un toit et que tu l'appelles mosquée. Du moment que tu viennes à cet endroit-là où il y a la tombe et que tu viens pour prier, tu as pris cet endroit-là comme un lieu de prière, comme un lieu d'adoration. Et les deux choses sont haram, que ce soit construire quelque chose sur la tombe et tu viens prier dans cet endroit-là ou que tu prennes l'endroit pour venir prier même s'il n'y a pas de construction. Les deux sont interdits et Cheikh al-Islam il dit « Et celui qui le fait est maudit. » Celui qui le fait, il est maudit. Selon ce qui est mentionné dans de nombreux hadiths dans la Sunna. Et il dit que on n'a pas mentionné tous les hadiths et toutes les athars qui sont rapportés à ce sujet-là, mais le but c'est juste d'expliquer la règle générale, hein, la règle principale à ce sujet-là. Il dit « وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ قَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الطَّوَائِفِ من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. Donc il dit que l'interdiction à ce sujet-là, elle a été mentionnée par plusieurs d'entre les ulama des différents groupes, c'est-à-dire les compagnons de l'imam Malik, les compagnons de l'imam Shafi'i, les compagnons de l'imam Ahmad et d'autres. Et c'est pour cette raison que les salafs, parmi les sahaba et les tabi'in, eh bien, ils étaient, yani, ils insistaient beaucoup sur l'interdiction de ce genre de construction et de ce genre d'action, c'est-à-dire de prier là où il y a des tombeaux, à cause des conséquences, hein, et des choses qui en découlent. Il dit ensuite, وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ مَا لَا يَلِيقُ ذِكْرُهُ هُنَا حَتَّى رَوَى أَبُو يَعْلَى الموصلي بسنته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين وحدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. Donc ici, qu'est-ce qu'il explique? C'est que il y a des athars, il y a des paroles des salafs qui ont été rapportées à ce sujet, qui ne conviennent pas de mentionner maintenant ici, mais il donne comme exemple ce qui a été rapporté par Abu Ya'la al-Mousili avec sa chaîne de transmission, et c'est un hadith de Ali ibn al-Hussein. Hein? Il dit que Ibn Abi Shayba, il rapporte que Zayd ibn Hubab, il a rapporté, il nous a rapporté que Ja'far ibn Ibrahim, des enfants de Zil Janahain, nous a rapporté que Ali ibn Umar a dit, selon son père, selon Ali ibn Hussein, qu'il a vu un homme entrer dans un espace, une fente qui était dans la, yani, près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou là où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait comme une fente dans le mur, et lui il rentrait par cette fente et il allait pour faire des invocations. Alors il a été interdit, il lui a dit de ne pas le faire, c'est-à-dire Ali, le fils de Hussein, il a dit ne le fais pas. Il dit, veux-tu que je te rapporte un hadith qui a été rapporté ou que j'ai entendu selon mon père, selon mon grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de visite régulière. Hein, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de visite régulier, un endroit où vous venez de façon régulière, hein, et où vous venez à des moments précis, hein, dans l'année, comme le Eid. Hein, le Eid qui se répète à chaque année à la même époque ou à la même période. Il dit de ne prenez pas ma tombe de cette façon, un lieu de visite, un lieu dans lequel vous revenez régulièrement. Il dit, et ne prenez pas non plus vos maisons comme des tombes, c'est-à-dire ne faites pas de vos maisons comme des tombes, en voulant dire priez dans vos maisons, hein. C'est-à-dire, vous pouvez faire les nawafil, les prières surérogatoires. Au lieu de les faire à la mosquée, faites-les chez vous. Hein? Et vous pouvez prier à la maison aussi. Donc, ne faites pas vos maisons comme des tombeaux ou des cimetières, un endroit où on ne prie pas. Et il dit, et sachez que votre salut, le salam que vous voulez m'envoyer, il va me parvenir de là où vous êtes. C'est-à-dire, peu importe où vous êtes, vous m'envoyez le salam, il va me parvenir. Pas besoin d'aller à côté de la tombe pour faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hafidh dans son livre, dans son Mustakhraj. Et il dit ensuite, Cheikh al-Fawzan, il explique ça, ce qu'on a lu maintenant, les hadiths qu'on a lus, et les paroles d'explication de Ibn Taymiyyah, il dit: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور. يعني أن هناك أحاديث كثيرة في بيان حرمة اتخاذ القبور مساجد، وهو لم يستوفها رحمه الله ولم يستوف كلام أهل العلم في هذا الموضوع، وإنما اكتفى بالإشارة وقدر محل الشاهد وهو منع التشبه بهم في هذا الأمر، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط، وقد بسطه رحمه الله في كتابه الأخرى، في كتبه الأخرى، مثل الجواب الباهر لزوار المقابر، والرد على البكري، والرد على الأخنائي، فقد بسط الكلام فيها. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que يعني quand Ibn Taymiyyah dit au début que c'est bien connu que des gens, beaucoup de gens dans cette umma ont été éprouvés par يعني, le fait de construire des lieux de prière ou les lieux des mosquées sur les tombeaux, il dit ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui expliquent l'interdiction de prendre les tombeaux comme des lieux de prière et comme des mosquées. Mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne les a pas tous mentionnés, ces hadiths-là. Et il n'a pas non plus mentionné toutes les paroles des hommes de science à propos de ce sujet-là. Il s'est limité uniquement à mentionner qu'est-ce qui est nécessaire pour établir la preuve au sujet du point qu'il veut prouver, c'est-à-dire l'interdiction d'imiter les gens, les koufars dans cette chose-là, les gens du livre et les koufars de façon générale à propos de cette question-là. Parce que sinon, c'est un sujet qui nécessite d'être élaboré et d'être expliqué en détail. Mais il ne l'a pas expliqué en détail ici, par contre, il l'a expliqué en détail dans d'autres livres. Comme par exemple, il a un livre qui s'appelle Al-Jawab al-Bahir, les Zuwar al-Maqabir. Hein? La réponse éblouissante pour les visiteurs des cimetières. Puis il a un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Ar-Raddu 'ala al-Bakri, c'est-à-dire la réfutation de Ibn al-Bakri. Ça, c'est un livre qu'il a écrit aussi, qui est publié, et également il y a la résumé de ce livre-là qui s'appelle Kitab al-Istighatha. C'est un très très bon livre aussi, et il y a dedans une réfutation claire de la bid'a, de ceux qui prennent les tombes comme lieu de comme lieu d'adoration, puis qui adorent les saints et les morts et qui font toutes sortes de formes, de différentes formes de shirk et de bid'a. En particulier, on retrouve ça chez les Rafida et chez les Soufia. Et il y a un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Ar-Raddu 'ala al-Akhna'i. Ar-Raddu 'ala al-Akhna'i. C'est aussi une réfutation qu'il a écrit contre quelqu'un qui s'appelle Al-Akhna'i, et c'est au sujet de la visite des lieux saints, hein, et en particulier des mosquées et des tombes dans lesquelles les gens ont enterré des hommes qu'ils considèrent comme étant des saints. Donc la preuve, Ibn Taymiyyah a établi la preuve contre cette Akhna'i, que de faire des pèlerinages à des tombes, ou de visiter des tombes et de visiter ces endroits-là, et de faire des voyages pour ça, que ça c'est interdit, hein, que ça fait partie de ce qui est interdit. Et il réfute Al-Akhna'i là-dessus. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan ensuite, وقوله وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف المقصود من هذا من المقصود أن هذا أمر مجمع عليه عند علماء المذاهب المعتبرين فلا سيما المذاهب الأربعة ونقولها موجودة والحمد لله فمن أراد أن يطلع على هذه النقول فليطالع كتب العقائد الجامعة التي تجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ومثل كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن الهادي لابن عبد الهادي ومثل كتب أئمة الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ككتاب مصباح الظلام والرد على داود بن جرجيس وردود كثيرة كتبها علماء هذه الدعوة ردا على معظم القبور والمغالين في أصحابها. Donc le cheikh il explique ici que il dit que même si plusieurs d'entre les ulama de différents madahib et de différents groupes ont mentionné l'interdiction de construire des mosquées sur les tombeaux, il dit que qu'est-ce qu'il veut dire cheikh l'islam ici, il veut dire que c'est une chose sur laquelle les savants sont tous d'accord, du fait que les ulama des différents madahib, qui sont des madahib reconnus chez les musulmans, comme en particulier les quatre madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, on voit que dans ces quatre madahib, il y a des citations de la part des ulama de ces madahib qui sont présentes, alhamdulillah, et il y en a qui prouvent que ces choses-là sont ce genre de choses est interdite. Et quiconque désire consulter ces citations-là, eh bien, il peut vérifier dans les livres de Aqida qui résument et qui réunissent les différentes positions et les différentes paroles des ulama des quatre madahib. Et parmi ces livres, par exemple, il y a le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Minhaj al-Sunnah. Minhaj al-Sunnah, c'est un livre qui élabore, il y a des détails sur ces questions-là, et les citations des ulama à ce sujet-là sont mentionnées. De même qu'il y a aussi un livre qui s'appelle As-Sarim al-Manki fi al-Radd 'ala al-Subki, et c'est écrit par un élève de Cheikh Ibn Taymiyyah qui s'appelle Ibn Abd al-Hadi. Et c'est une réfutation d'un parmi ceux qui défendaient justement ce genre de choses, qui s'appelle As-Subki, et il a été réfuté par Ibn Taymiyyah. Et Cheikh Abdul Hadi, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, il mentionne justement dans l'introduction de ce livre que As-Subki, pendant la vie de Ibn Taymiyyah, il n'a jamais écrit de livre sur cette question-là et sur ce sujet-là, parce qu'il avait peur de se faire réfuter par Ibn Taymiyyah durant sa vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu la mort de Ibn Taymiyyah pour écrire son livre, pour défendre le fait de bâtir des mosquées sur les tombes ou bien de faire des voyages pour visiter les tombes. Et c'est son élève, donc l'élève de Ibn Taymiyyah, après la mort de Ibn Taymiyyah, quand il a vu ce livre-là de As-Subki, il l'a réfuté. Il a écrit une réfutation de ce livre. Donc le livre en question, il est publié. Il s'appelle As-Sarim al-Manki. As-Sarim al-Manki fi al-Radd 'ala al-Subki. Et souvent, vous voyez dans les livres des ulama, quand ils écrivent des réfutations, vous voyez que le titre, il y a une rime dedans. As-Sarim al-Manki fi al-Radd 'ala al-Subki. Il y a un autre livre également. Il y a d'autres livres aussi qui ont été écrits, qui réunissent les paroles des ulama, des madahib à ce sujet-là. Parmi les livres écrits par les élèves de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme un livre qui s'intitule Misbah al-Zalam, et aussi le livre qui s'appelle Ar-Radd 'ala Daoud ibn Jarjis. Tout ça, c'est des livres qui sont publiés. Et il y en a d'autres, et aussi parmi les livres de Cheikh Sulaiman bin Sihman et d'autres aussi, qui réfutent ces choubouhat et ces bidars. Et il dit aussi, le cheikh, il dit qu'il y en a beaucoup d'autres parmi les livres des ulama de la da'wa salafiyya, parmi les élèves, des descendants des élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui ont réfuté ceux qui vénèrent les tombes et qui exagèrent au sujet des hommes enterrés dans ces tombes. Et il dit ensuite, « Wa innama naqalu dhalika an ashab al-madahib al-arba'a » ومما يدل على إجماع المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا العمل ما قيل في بعض المذاهب من تعظيم القبور والتعلق بها إنما هو من بعض المتأخرين الذين تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعايات وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب فإذا وجدت بعض الأقوال الشاذة من المنتسبين إلى هذه المذاهب فإنما تنسب إلى من قالها وينسب هذا إلى وينسب هذا يعني لا ينسب هذا إلى المذهب أو إلى الإمام. نعم. Donc le cheikh il dit que dans ces livres-là, on voit les citations des quatre madhahib au sujet de l'interdiction de ces choses-là. Et il dit que ça, c'est la preuve qu'il y a un consensus hein, dans les madhahib, les quatre madhahib, il y a un consensus sur l'interdiction de construire des mosquées sur les tombes. Et qu'est-ce qui a été dit de la part de certains madhahib, de certaines personnes qui prétendent appartenir à ces madhahib parmi ceux qui sont venus très tard, très tard historiquement, hein, ils sont venus plus tard après la création ou après l'élaboration de ces différents madhahib et qui prétendent ou disent faire partie de ce madhahib ou appartenir à ce madhahib et puis qu'ils viennent puis ils disent que c'est correct ou qu'ils acceptent ce genre de comportement ou ce genre d'action hein, et qui font partie de ceux qui eux-mêmes vénèrent les tombeaux et s'accrochent aux gens qui ont été enterrés dans ces tombeaux-là et qui ont été affectés eux-mêmes par ces superstitions et par ces fausses propagandes. Eh bien, ces gens-là, il faut comprendre qu'ils ne sont pas une preuve dans le madhhab, ils ne sont pas une référence non plus dans le madhhab. Donc, si vous trouvez des paroles de la part de certains d'entre eux, qui sont des paroles en fait singulières, qui sont loin de la position des imams de ces madhhab et de ceux qui ont été proches des imams en question parmi les élèves de ces grands ulama, eh bien, vous comprenez que ces positions-là sont venues très tard. Hein, très tard après, hein, des siècles après, et elles ne doivent pas être attribuées à ce madhhab ni à l'imam auquel on attribue ce madhhab. Donc ça, c'est des choses très importantes. Des fois, tu vois que un faqih ou quelqu'un qui est né 1000 ans après l'imam en question, comme 1000 ans après l'imam Malik ou après l'imam Shafi'i ou après l'imam Abu Hanifa, et puis il vient par exemple aujourd'hui, il dit oui c'est correct de vénérer les cimetières et les tombeaux, et de construire des mosquées sur les tombeaux, yani subhanallah, pourquoi il dit ça alors que les imams de ces madhahib, eux étaient contre ça, et leurs élèves ont mentionné cette interdiction là, et c'est clair dans les paroles des imams et de leurs élèves, donc eux ils viennent 1000 ans après, puis ils commencent à dire non ça c'est correct. Pourquoi ils disent ça aujourd'hui? Parce qu'ils ont été affectés par les bid'a des soufis et par les khurafat et par les choses qui sont en contradiction avec l'islam. Donc on ne peut pas attribuer ces égarements-là aux imams des madhahib. Même si les gens qui disent ces choses-là aujourd'hui ou certains d'entre eux prétendent appartenir à ce madhab ou suivre ce madhab, mais ils ont contredit les fondements de ces différents imams et de ces différents madhahib à la base. Donc il ne faut pas se laisser tromper par quelqu'un qui vous dit qu'il est maliki ou shafi'i ou hanafi ou hanbali et puis qu'il par la suite tu le vois, il dit oui, construire des tombeaux sur les tombes c'est correct. Ça c'est de la falsification et du mensonge. Et le cheikh il dit ensuite « وَمَا رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى الْمُوْصِلِ عَنْ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ رَوَى أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة فقد أنكر علي بن الحسين على ذاك الرجل الذي كان يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها والحجرة فيها فرج وتركت هذه الفرجة على طبيعتها فكان يأتي هذا الرجل ويدخل في هذه الفرجة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو. فخشي عليه علي بن الحسين من الغلو ودعاه وقال له لما تأتي هنا؟ قال آتي لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا حاجة إلى أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه، بل أصلي عليه في أي مكان من الأرض كنت، فإن صلاتك تبلغه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني في أي وقت وفي أي مكان. donc le cheikh il explique que Abu Ya'la al-Mousili il a rapporté selon Ali ibn al-Hussein, Ali le fils de al-Hussein, que il a vu un homme qui rentrait par une fente qui était dans le mur où il y avait le prophète Sansum qui a été enterré. Et Ali ibn al-Hussein il a critiqué cet homme qui venait à cet endroit-là par la fente pour aller yani, là où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour invoquer yani, à cet endroit-là. Et il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha, et dans la maison en question il y avait des fentes dans le mur, et donc certaines de ces fentes ou de ces ouvertures ont été laissées telles quelles, et donc l'homme venait puis il rentrait par une des fentes en question et il allait donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait les invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ali ibn al-Hussein a eu peur pour lui de l'extrémisme ou de l'exagération et il l'a appelé et lui a dit pourquoi tu viens à cet endroit là et il lui a dit je viens pour faire envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit veux-tu que je vais te rapporter un hadith qui a été rapporté selon mon père, selon mon grand-père, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit priez sur moi ou faites la salat, priez pour moi et faites la salat sur moi parce que votre salat elle va me parvenir peu importe d'où vous êtes. C'est-à-dire que si vous invoquez Allah pour moi et que vous lui demandez la bénédiction pour moi et ainsi de suite, eh bien ces invocations-là vont m'être envoyées, peu importe où vous êtes, dans le sens que peu importe où vous êtes, vous pouvez me donner le salam ou bien me faire des invocations, puis ça va me parvenir. Donc il dit on n'a pas besoin donc d'aller à cet endroit-là en particulier pour faire l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que peu importe où on est sur la terre, ça peut lui parvenir. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran le verset 56 dans sourate Al-Ahzab, il dit ô vous qui avez cru, sallu alayhi wa sallimu taslima, c'est-à-dire faites la salat sur lui et envoyez le salut. C'est-à-dire pas besoin d'être à cet endroit-là en particulier, peu importe où vous êtes, ça va lui parvenir. Ou vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc il dit, c'est-à-dire peu importe à quel endroit et à quel moment. Et il dit وَقَصَدُوا عِنْدَ الصَّلَاةِ قَصَدُوا الصَّلَاةَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَالتَّرَدُّدْ عَلَيْهِ مِنْ اتِّخَاذِهِ عِيدًا ونحن منهيون عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا لأن هذا وسيلة فالصلاة عليه تجوز في أي مكان دون المجيء إليه. فإذا كان هذا الحديث خرج من آل محمد صلى الله عليه وسلم وذريته التي يغالي بها الغالو المغالون ويدعونهم من دون الله، فالأولى لهؤلاء المغالين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قدوة لهم بهذا الحديث، يبطل كل ما تعلق به الخرافيون. Donc il dit que يعني de vouloir aller expressément à sa tombe et d'y aller constamment et de retourner régulièrement pour visiter sa tombe et pour yani faire les invocations pour lui, de faire ça, c'est comme si tu prenais sa tombe comme un Eid, c'est-à-dire un endroit où tu reviens régulièrement. Et on est interdit de faire ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « La tattakhidhu qabri Eidan » Ne prenez pas ma tombe comme un lieu que vous revenez, hein, dans lequel vous revenez régulièrement. Parce que ça, c'est un moyen qui amène les gens vers le shirk et vers l'égarement. Donc il dit, « Fas salatu » La salat que tu vas faire, yani c'est permis de la faire peu importe où tu vas être. Pas besoin de venir expressément à cet endroit-là. L'Aïd, en arabe, l'Aïd, ça ne veut pas dire une fête, si tu regardes linguistiquement. Maintenant, on dit l'Aïd dans le sens d'une fête. Mais linguistiquement, l'Aïd, ça peut être un endroit ou une période c'est-à-dire qui revient constamment qu'on fête ou qu'on célèbre, mais ou bien qu'on célèbre de quelle façon, soit parce que à un moment de l'année, chaque année, on fait à cette période-là la même chose, ou bien que à cet endroit-là, on se réunit à chaque année ou à chaque période pour faire quelque chose de particulier, comme une adoration. Et par exemple, Mecca, Arafa, Mina, Muzdalifa, des endroits chaque année on se réunit pour faire le Hajj. Hein? Donc on peut dire que ça c'est un Eid. Et la même chose pour le période du mois de Ramadan, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, c'est des moments qui se répètent à chaque année. Donc on l'appelle Eid parce que Yu'id nafsa, yani en arabe, Yu'id, ça veut dire ça revient. À chaque fois, ça revient. D'accord? Et donc, ne prenez pas ma tombe comme un Eid, c'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un endroit où vous revenez tout le temps. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, et donc, celui qui a dit de ne pas faire ça, de ne pas rentrer dans la fente du mur pour aller là où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été enterré, dans la maison de Aïcha radiallahu anha, pour aller invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'a interdit ou qui a dit de ne pas faire ça à cette personne, c'est quelqu'un même parmi les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, parmi les descendants de Ali radiallahu anhu. Et donc ceux aujourd'hui qui insistent beaucoup sur ce genre de choses et d'aller exprès aux tombes pour invoquer yani pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour faire le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des choses comme ça, ceux qui insistent beaucoup et qui exagèrent là-dessus, c'est ceux qui prétendent respecter les descendants de Ali radiallahu anhu et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant eux-mêmes, ils interdisaient aux gens de faire ça à leur époque. Hein? Donc si eux, ils prétendent de les suivre, hein, et qu'ils les aiment, qu'ils sont un modèle pour eux, donc pourquoi dans ce cas-là, ils ne se soumettent pas à ça et qu'ils ne se limitent pas à faire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire, c'est-à-dire d'envoyer le salut de là où ils sont. Allah musta'an. Donc le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam, il cite un autre hadith, il dit, وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة وهو في بيت عائشة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة على عن يساره. Donc le cheikh il mentionne ici une autre narration selon Saïd ibn Mansour dans son Sunan. Qui est rapporté par Saïd ibn Mansour dans son Sunan, il dit que Abdul Aziz ibn Muhammad nous a informé que Suhail ibn Abi Suhail nous a informé, il a dit Al-Hassan ibn Ali, c'est-à-dire Al-Hassan, le fils de Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il m'a montré. C'est-à-dire, plutôt, il m'a vu près de la tombe. Al-Hassan, le fils de Hassan ibn Ali. C'est-à-dire, Al-Hassan, c'est son père. Donc, Hassan, le fils de Hassan, et le petit-fils de Ali. Donc, c'est le petit-fils de Ali. Donc, Ali, c'est son grand-père. Radiallahu anhu. Et il dit. Donc, c'est-à-dire, Suhail ibn Abi Suhail, il dit, le petit-fils de Ali, radiallahu anhu, Al-Hassan ibn Hassan ibn Ali, il m'a vu près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a appelé. Et il était dans la maison de Aïcha en train de souper, en train de prendre son souper. Alors, il a dit, viens. Viens souper avec nous. Viens manger. Alors il a dit, je veux pas. Alors il dit, pourquoi je t'ai vu près de la tombe? Il a dit, je voulais donner le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, si tu rentres dans la mosquée, dis le salam sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne prenez pas ma tombe comme un lieu dans lequel vous revenez chaque fois, à chaque fois. Et il a dit, ne prenez pas vos maisons comme des cimetières. Prenez pas vos maisons comme des cimetières. C'est-à-dire, vous ne priez pas dans vos maisons. Et il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Et il a dit ensuite, et le prophète a dit ensuite, et envoyez sur moi le salut et la salat, parce que votre salat va m'atteindre, peu importe où vous êtes. Vous dites, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Donc là, on envoie les bénédictions et la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, il a dit ensuite, vous et ceux qui sont en Andalousie, c'est-à-dire en Espagne, vous êtes égal. C'est-à-dire que même si vous êtes à des distances différentes, toi tu es à Médine, lui est en Andalousie, si toi tu envoies les saluts sur le prophète et l'autre qui est en Andalousie il envoie le salam sur le prophète, les deux c'est la même chose, parce que la prière lui parvient quand même, c'est à dire l'invocation et les doigts que tu fais pour lui, ça va lui parvenir quand même. Et il a dit que il y a plusieurs d'entre les imams qui ont mentionné ça, il dit Ahmed et d'autres, et parmi les compagnons de l'imam Malik et d'autres aussi. Et il a dit, وَإِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو. Il a dit que s'il veut envoyer le salam sur le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, il ne doit pas dire, il a dit ce qu'il ne devait pas dire. Après, il a dit, il a voulu faire une invocation. Quand il voulait faire l'invocation, il se tournait vers la Qibla. Et il laissait la chambre de Aïcha à sa gauche. C'est-à-dire, il ne se tournait pas en direction de la tombe pour prier ou de la maison d'Aïcha pour prier, pour faire une invocation ou un doua. Il se détournait de la tombe et il se faisait face à la Qibla pour faire des invocations. Contrairement à certaines personnes aujourd'hui, quand ils font des doigts pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se tournent vers la tombe. Et ça, c'est pas permis. Parce que la Qibla pour le doigt, c'est la Qibla pour la salat. C'est pas la tombe. La tombe, c'est pas une Qibla. On doit pas se tourner vers la tombe. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Et il dit, وَهَذَا طَرِيقٌ آخَرٌ للحديث السابق وهو عن الحسن ابن الحسن أما الحديث الأول فعن علي بن الحسين فاتفق النقل عنهما جميعا رضي الله عنهما أنهما أنكرا على هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر والسبب إنما يعني والسبب أنهما خشيا عليه من الغلو فسارعا إلى نهيه عن ذلك وأبلغاه عن قول أبلغاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ قبره عيدا يتردد عليه للصلاة عليه وقد قال صلوا علي حيث كنتم فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِ. Donc il a dit ici qu'on voit que cette narration, elle correspond à la narration précédente dans la signification. La première était par Ali ibn al-Hussein et celle-ci est par Al-Hassan ibn al-Hassan. Et les deux ont condamné la personne qui cherchait expressément de venir à cet endroit-là pour faire un doua sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de la tombe. Et la cause de ça, c'est parce que tous les deux ont craint pour cet individu l'extrémisme et l'exagération. Et donc ils se sont précipités pour condamner et pour interdire à la personne qu'est-ce qu'elle faisait, et lui ont transmis la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'interdiction de prendre sa tombe comme un lieu où les gens reviennent constamment pour faire la salat sur lui et pour faire des invocations pour lui et l'envoyer la bénédiction. Donc il mentionne en même temps la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit yani faites la salat sur moi de là où vous êtes, car elle va votre salat, elle va m'atteindre peu importe de où vous la faites. Et il dit thumma qala al-Hasan ibn al-Hasan rahimahullah ma yarhamukallah ma anta wa man bil andalus illa sawa fa as-salatu tasilu min ayyi makan hasalat fihi wa la yushra'u laha an ta'tiya 'inda al-qabr إنما تأتي عند القبر إذا قدمت من سفر لتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الزيارة فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كالسلام على الحي. أما من كان مقيما بالمدينة أو نزل بها فترة فلا يجوز أن يأتي كل ساعة عند القبر ويقول أنا أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر الزيارة إليه والجلوس عنده، لأن العيد قسمان، عيد زماني وعيد مكاني، فالمكان هو الذي يجتمع فيه في المناسبات الدينية، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الغلو وإلى عبادة غير الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que Al-Hassan ibn al-Hassan a dit, toi et celui qui est en Andalousie, vous êtes pareil, vous êtes égaux. Parce que votre invocation et votre salat, elle va m'atteindre peu importe de là où vous êtes. Et même si tu es au Canada ou aux États-Unis, en Amérique du Nord ou du Sud, la même chose. Hein, même en Australie, ou peu importe où tu es sur la terre, tu fais ton doigt et tu dis Allahumma salli ala Muhammad, et ça va atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si hein, tu n'es pas à côté de la tombe. Ça, écoute, ça je vais l'expliquer. Le cheikh il explique, il dit, parce que c'est pas légiféré d'aller à la tombe pour faire le doigt expressément. Tu dis, ah, je vais aller à côté de la tombe pour faire le doigt pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des choses comme ça. Donc il dit, tu viens à la tombe quand? Lorsque tu arrives d'un voyage. C'est-à-dire, on va dire que si c'est quelqu'un qui habite à Médine. Si c'est quelqu'un qui habite à Médine, il part, il sort de Médine, il quitte Médine, il va dans un autre pays. Par exemple, on va dire quelqu'un qui habite à Médine, il part pour aller aux États-Unis ou dans un autre pays musulman ou ailleurs, et il revient de voyage. Quand il revient de voyage, il vient et il fait le salam de la visite. Donc il va dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme il donnait le salam à quelqu'un comme s'il était vivant. Mais si c'est quelqu'un qui habite à Médine ou qui est à Médine, qui est venu pour un certain temps, il ne va pas venir à chaque heure ou à chaque jour pendant qu'il est à Médine pour aller faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il va le faire une fois quand il arrive et puis c'est tout. Le reste du temps, il continue à. Quand il rentre dans la mosquée, il fait ses rak'atayn, tahiyatul masjid, et puis il fait ses prières normales. Il n'a pas besoin d'aller à chaque fois devant la maison d'Aïcha radiallahu anha pour aller faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Abu Bakr et Omar à chaque fois qu'il rentre dans la mosquée, comme certains le font. Quand tu arrives à Médine, tu vas aller dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première fois que tu viens, tu passes devant la maison d'Aïcha, radiallahu anha, tu dis Assalamu alayka, Assalamu alayka, ya Rasulallah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu peux envoyer aussi le salam sur Abu Bakr et Omar, parce qu'ils sont enterrés à côté. Hein? Mais, c'est tout. Après, tu ne vas pas revenir à chaque fois pendant le temps que tu vas rester. Si tu restes à Médine une semaine, ben, tu ne vas pas y aller à chaque jour. Si tu fais le salam, tu vas faire le salam en passant. Puis, quand tu veux faire des invocations ou des du'as, tu te tournes vers la Qibla. C'est-à-dire que tu vas avoir la tombe derrière toi, puis le mur de la mosquée devant toi, là où il y a la Qibla, où tout le monde prie, tu vas te tourner vers la Qibla, puis tu vas faire tes invocations. Tu ne vas pas faire les invocations en te tournant face à la tombe. Non, le salam c'est correct. Le salam, quand tu passes devant la tombe, tu dis Assalamu alayka, ya Rasulallah, ça c'est correct. Non. Et donc c'est ça. Il y a des gens, malheureusement, quand ils vont là-bas, chaque jour ils passent. Il y en a même qui essaient de faire le tawaf autour. Mais tu sais, ils ont mis une grille, alhamdoulilah, pour empêcher les gens de faire le tour de la tombe. Mais il y en a qui essaient de faire le tour de la mosquée au complet. Et la mosquée est grande, donc si tu veux faire le tour de la mosquée, ça va prendre au moins peut-être 30 minutes, là, 20 minutes pour faire le tour au moins. Donc s'ils pensent faire beaucoup de tours là, ils vont se fatiguer, hein. Donc, mais il paraît que dans le passé, avant, il y a des gens qui commençaient à faire ça, ils ont mis des clôtures pour bloquer les gens, pour pas les laisser faire ça. Naam. Donc après le cheikh il explique que il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne prenez pas ma tombe comme un endroit que vous venez visiter constamment. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit ça veut dire tu vas pas venir visiter à chaque fois et tu vas t'asseoir là-bas à chaque fois. Il dit que l'Eid c'est de deux catégories. L'Eid par rapport au temps, et l'Eid par rapport au lieu. Donc, l'Eid qui a un lien avec le lieu, c'est un endroit où les gens se réunissent dans les occasions religieuses. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prendre sa tombe comme un lieu dans lequel on se réunit, comme une, dans une occasion religieuse comme ça. Donc c'est pas permis. Il dit parce que cela amène à l'exagération et à l'extrémisme, et ça peut même amener les gens à tomber dans l'adoration d'autres que Allah. Donc de faire tomber les gens dans le shirk. Il dit, le cheikh, il dit ensuite, وَقَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةِ أَحْمَدْ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ كَيْفِيَةَ السَّلَامِ كيفية السلام المشروع على النبي صلى الله عليه وسلم وكأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته فهذا جائز لأنه من أوصافه صلى الله عليه وسلم ليس فيه غلو ولا تجاوز وإذا أراد أن يدعو فإنه لا يدعو عند القبر لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور لأن في ذلك وسيلة إلى الشرك فإذا أراد أن يدعو الله فالواجب عليه أن يقف من ناحية من المسجد ويستقبل القبلة ويدعو ولا يتوجه إلى القبر أبدا. Donc le cheikh il explique que les imams, de même que l'imam Ahmad en particulier et les compagnons du madhhab ont mentionné la façon dont on doit envoyer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été légiféré. Et il dit que c'est de dire assalamu alayka ya rasul Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit si quelqu'un veut ajouter je témoigne que tu as transmis le message et que tu as remis le dépôt et que tu as été sincère envers la umma et que tu as lutté en Allah d'un vrai jihad, d'une vraie lutte, alors que Allah te récompense par la meilleure récompense qu'il peut donner à un prophète pour sa umma. Donc il dit si tu rajoutes ça, si tu veux rajouter ça, ça c'est permis aussi, parce que ça fait partie des caractéristiques du messager d'Allah, et il n'y a pas d'extrémisme ou d'exagération là-dedans, ni de dépassement. Il dit, si tu veux faire des doigts et que tu veux faire une invocation, là tu le fais pas près de la tombe, tu le fais à l'écart de la tombe et devant, en faisant face à la Qibla. Parce que sinon, de faire le doigt près de la tombe, ça c'est un moyen qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. Donc si tu veux faire des invocations à Allah, l'obligation pour toi c'est de t'écarter de la... à un autre endroit de la mosquée et de faire face à la Qibla et de faire tes invocations et ne pas te tourner en direction de la tombe. Hein, ne jamais te tourner en direction de la tombe. Le cheikh il répond maintenant à une shubha. Il dit Jawabun an shubha. هناك من يقول لماذا تنهون عن بناء المساجد على القبور ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره وقبر صاحبيه والجواب أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر وإنما قبره صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وهو خارج المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم وبقي خارجه بعد موته ودفن فيها حماية له من الغلو فيه لو أبرز للناس ودفن معه صاحباه لحبهما لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت الحجرة خارج المسجد إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد من جهة الشرقية وأدخل في فيه الحجرة من غير مشورة من العلماء ولا رضا منهم بذلك ولم يغير من وضعها شيء من ولم يغير من وضع من وضعها شيء عما كانت عليه خارج المسجد وهي محوطة بالجدران والأغلاق لا يصل أحد إلى القدر ولا يراه وإنما يسلم المسلم عليه من المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاءه بدعائه في غزة وحماية في عزة وحماية وصيان. Donc le cheikh il explique ici que il y a une choubha qu'on entend souvent, et ça c'est vrai qu'on l'entend de la part de certains égarés ou de certains ignorants. Ils disent, mais si vous dites que c'est interdit de construire des mosquées sur les tombeaux, alors on voit que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dedans la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Donc comment vous pouvez interdire ça alors que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ça, hein? Donc comment tu vas répondre à des gens qui disent ça? Toi tu viens, tu leur mentionnes les hadiths qui interdisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de construire une mosquée sur une tombe ou d'adorer Allah là où il y a une tombe. Et on voit que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une tombe aujourd'hui. Donc le cheikh il répond à cette choubha, parce que ça c'est une ambiguïté qu'on entend de la part de certains égarés parmi les soufis, et donc il dit la réponse à ça c'est qu'en réalité la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tombe dedans. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tombe dedans, et la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dans la mosquée, elle est dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et la maison de Aïcha, radiallahu anha, elle était à l'extérieur de la mosquée. Elle était à l'extérieur de la mosquée. Donc, si je te montre, juste pour faire un exemple, si je fais un dessin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le côté est et le côté ouest. Le côté est et le côté ouest. Il y a le côté sud, ok, et le côté nord. Maintenant, Médine est au nord de la Mecque. Médine est au nord de la Mecque. Donc la mosquée, la Qibla est en direction du sud. D'accord? Et les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes du côté est de la mosquée, parce que les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient connectées avec la mosquée, elles étaient collées à la mosquée, c'était comme ça, oui. Donc ici la maison qui est ici, là, en avant, ça c'était la maison de Aïcha. La première, la maison d'Aïcha, radiallahu anha, puis il y a une porte qui entrait par de la maison jusqu'à la mosquée. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut rentrer dans la mosquée, il peut rentrer direct en sortant de la chambre, il rentre dans la mosquée directement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il a commencé à avoir des expansions, ils ont commencé à faire agrandir la mosquée. Les premiers agrandissements de la mosquée se sont faits vers le nord et vers le sud et l'ouest. Ok? Donc les premiers agrandissements se sont faits dans l'autre direction, dans l'autre sens. Et qu'est-ce que Cheikh il explique ici? C'est que à l'époque de Al-Walid ibn Abd al-Malik, peut-être 200 ans après, il a fait une expansion vers l'est. Donc qu'est-ce qu'il a fait? il a fait détruire toutes les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas demandé le conseil des ulama pour faire ça. Il a fait de son propre jugement. Et c'était un amir, c'était un dirigeant. Donc il n'a pas fait ça nécessairement avec science. Al-Walid ibn Abdul Malik. Donc il a détruit les demeures des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a seulement laissé la maison de Aïcha radiallahu anha. Pourquoi? Parce que dans la maison d'Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Donc il a fait l'expansion vers l'est et il a détruit les autres demeures. Il a laissé celle de Aïcha radiallahu anha parce que dedans il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, donc qu'est-ce que le cheikh explique ici? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée, il était à l'extérieur de la mosquée. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont fait une expansion, ils ont agrandi la mosquée vers l'est, et donc ils ont entré la maison d'Aïcha à l'intérieur des murs de la mosquée. Et donc il dit, à la base, la mosquée était séparée de la maison d'Aïcha, radiallahu anha. Il dit que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été enterré dans le cimetière où les sahaba étaient enterrés, c'était justement pour le protéger et pour faire en sorte que les gens n'exagèrent pas avec sa tombe et ne fassent pas ça, comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tombe de certains prophètes. Et également Abu Bakr et Omar ont été enterrés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient ses compagnons durant la vie. Donc puisqu'ils étaient ses compagnons durant la vie, ils ont voulu être avec lui après la mort aussi, c'est-à-dire être enterré à cet endroit-là. Et il dit que cette maison de Aïcha, cette chambre de Aïcha radiallahu anha, elle est restée comme ça jusqu'à l'époque de Al-Walid ibn Abdul Malik, et c'est lui qui a fait l'expansion de la mosquée vers l'est et qui a incorporé ou introduit la maison de Aïcha radiallahu anha dans la mosquée sans consulter les ulama et sans que les ulama soient satisfaits de ça. Hein? Il paraît même qu'il y a eu des, de la part des ulama, des critiques de ce. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, mais toutefois, en ce qui concerne la maison d'Aïcha radiallahu anha, elle est restée telle qu'elle. Hein? Elle est restée telle qu'elle était dans la mosquée. C'est-à-dire telle qu'elle était avant d'être inclue dans la mosquée. D'accord? Et il dit que elle est entourée de trois murs. Elle est entourée de trois murs et donc elle est fermée à l'intérieur. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est fermée à l'intérieur. Personne ne peut y rentrer et personne ne peut la voir. Mais tu peux seulement faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée, en passant dans la mosquée. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de la maison d'Aïcha radiallahu anha où il est enterré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore. Ça, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il disait, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il mentionne dans An-Nuniyya, il dit que Allah l'a exaucé dans cette invocation-là, et il l'a donc entouré par trois murs. Hein? Et on dit que les trois murs sont construits comme un triangle, et donc celui qui se tourne par exemple vers la Qibla, il ne fait pas face au triangle parce que le côté qui fait face aux gens qui prient, c'est le côté de où il y a l'angle, en fait, du triangle. La qibla, la qibla est par là. Ceux qui vont prier, par exemple, qui vont prier, qui sont ici dans la mosquée, qui sont devant la maison de Aïcha, radiallahu anha, eh bien, il faut savoir qu'à l'intérieur de la maison de Aïcha, là où il y a la tombe, il y a un mur triangulaire qui a été installé, de sorte que personne ne peut faire face à la tombe elle-même, mais il fait face à l'angle, comme si en voulant dire, il ne va pas prier en face de la tombe elle-même. Oui, il va prier sur le, il ne va pas faire face à la tombe, mais un des coins, en voulant dire que Yanni ne fait pas face à la tombe. Donc ça, c'est une explication qui a été mentionnée par des ulama comme Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Et ensuite, donc, ayant mentionné ça, après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne le hadith de Hujjat al-Wada', yani la khutba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans son discours d'adieu. D'accord? Et donc il dit faslun, donc ça c'est un chapitre là-dessus. Il dit fi dhikri khutbatihi sallallahu alayhi wa sallam al-'azima fi yawm 'Arafah. Rawa Muslim fi sahihi عن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له حتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث وكان مستعرضا في بناء في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس عبد الوهاب فإنه عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يؤطأن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم فاشهد ثلاث مرات ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. Donc ici c'est pour mentionner en fait la khutba de Hujjat al-Wada'. C'est le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafah, et c'était le dernier discours qu'il a donné aux sahaba, le dernier hajj qu'il a fait. Donc dans ce discours il y a plusieurs leçons et plusieurs points importants. Donc on va mentionner la signification de qu'est-ce qui est mentionné dans ce discours. Et il dit donc que c'est rapporté par l'imam Muslim le jour de Arafat. Et il dit que c'est rapporté par l'imam Muslim selon Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Donc c'est Ja'far, le fils de Muhammad, le fils de Ali, le fils de al-Hussein, selon son père, donc selon Ali, radiyallahu anhu, selon Jabir, dans lequel il a dit que c'était donc dans Hujjat al-Wada', le dernier Hajj, le Hajj d'adieu, et il dit que le soleil est arrivé donc jusqu'au zénith, le jour de Arafat, et il a ordonné à sa chamelle, et il est arrivé donc au milieu de la vallée, et il a commencé à s'adresser aux hommes. Et il leur a dit, c'est ça, il leur a dit, votre sein et vos biens sont sacrés pour vous, les uns les autres. De la même manière que ce jour-ci est sacré, et que ce mois-ci est sacré, et que ce pays est sacré. C'est-à-dire, ce jour-ci, c'est le jour de Arafat, ce mois-ci, c'est le mois de Dhul-Hijjah, et ce pays, c'est-à-dire cet endroit, c'est-à-dire Mecca, et ses alentours. Donc, votre sein est aussi sacré, et vos biens est aussi sacré, et vos honneurs, et tout ça, c'est aussi sacré que ce jour-là, que ce mois-là, que ce pays-là. Et il a dit ensuite, tout ce qui est des affaires de la jahiliya, je le mets en dessous de mon pied. Et c'est plus valable. Et il a dit, et le sang de la jahiliya aussi, il n'est plus à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on veut dire par le sang de la jahiliya? On veut dire que si quelqu'un dans la jahiliya avait tué quelqu'un, puis quelqu'un voudrait prendre sa vengeance ou des choses comme ça, non, tout ça c'est effacé maintenant, c'est fini. On tient plus compte de ça. Et il dit, le premier sang que je calcule comme ça, que j'élimine, c'est celui de Ibn Rabi'a Ibn al-Harith. Hein? Et il a dit que il avait été allaité dans la tribu de Bani Sa'd et il a été tué par Hudayl. Donc il dit, ça c'est fini maintenant. Il dit de même que la riba de la jahiliya, les intérêts, les prêts sur les intérêts sur les prêts. Et il dit, tout ça c'est annulé, c'est fini. Il dit, la première riba que j'annule de la jahiliya, c'est celle de mon oncle Al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib. C'est-à-dire, s'il y avait encore si vous lui deviez encore de l'argent avec du riba, ça y est, c'est fini maintenant, c'est annulé. Il n'y a plus de riba. Il prêtait l'argent avec riba. Les gens, avant l'islam, ils faisaient ça. C'était connu. Ils prêtaient de l'argent avec riba. Oui, probablement, non. Et il dit ensuite, tout ça, c'est annulé et c'est fini. Et il dit, craignez Allah vis-à-vis des femmes, parce que vous les avez pris par le dépôt d'Allah. Hein, c'est un gage que Allah vous fait. Donc vous devez respecter cet engagement et ce gage. Et vous avez rendu leur partie intime, licite, par la parole d'Allah. Hein, et vous ne devez pas les laisser marcher sur votre tapis. Hein? Elles ne doivent pas laisser rentrer quelqu'un chez vous que vous n'aimez pas. Et si elles le font, alors frappez-les, mais d'un coup qui ne va pas les blesser. Et vous devez leur fournir leur subsistance et les vêtements dans qu'est-ce qui est bien connu selon les mesures et yani les dispositions que vous connaissez bien. C'est-à-dire, vous devez agir avec elles correctement, les nourrir, les vêtir et les faire habiter avec vous et ainsi de suite. Et il dit, j'ai laissé deux choses avec vous. J'ai laissé avec vous une chose, tant que vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. Et il a dit, le livre d'Allah. Et il dit, et vous allez être questionné à mon sujet, qu'est-ce que vous allez dire? Alors il a dit, les sahaba ont dit, nous témoignons que tu as transmis le message et que tu as donné le dépôt et que tu as été sincère. Hein? Alors il a pointé avec son doigt et il l'a levé vers le ciel et il l'a fait redescendre vers les gens. Et il a dit, oh Allah sois témoin. Il a dit ça trois fois, oh Allah sois témoin, oh Allah sois témoin. Puis il a fait l'iqama pour que les gens puissent prier salat al-dhuhr. Après avoir prié salat al-dhuhr, il a réuni, tout de suite après, il a fait l'iqama pour le asr. Et il n'a pas prié rien entre les deux. Et ensuite, il est monté sur sa monture, et il est parti jusqu'à al-mawqif. Donc ça c'est pour dire que, donc ça c'est le hadith de Hujjatul Wada'. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va expliquer chaque point de ce discours, un par un, dans qu'est-ce qui suit. Donc, on a les prochains cours qu'on va donner, ça va être pour expliquer Hujjatul Wada'. Donc, il y a peut-être deux cours ou trois sur ce sujet. Puis, ensuite, on va avancer sur d'autres points, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici sur ce point-là pour l'instant, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.